Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Marie-Anne Shaw est ethnologue et réalisatrice. Elle filme seule, en regard subjectif, le quotidien des moines bouddhistes et des Ladakhi dans le royaume du Zanskar, une vallée située à 4000 mètres d'altitude. Marie-Anne est partie avec une caméra sans autre projet que de transmettre le quotidien de ces hommes et de ces femmes. Je l'ai rencontrée à Saint-Étienne lors de l'une de ses projections sur le festival du film du Curieux Voyageur. Je viens moi-même d'un petit village des Hautes-Alpes puisque je suis née et j'ai grandi à Puy-Saint-Vincent. Et mes grands-parents paternels étaient agriculteurs. Alors je pense qu'il y a vraiment toute une partie de moi qui est très attachée à la montagne. Et en partant pour la première fois, donc il y a déjà 12 ans, dans cette région-là, je voulais certainement rencontrer des agriculteurs montagnards, un peu en hommage à mes origines, j'imagine. Et il y a 12 ans, quand tu es partie, tu avais déjà un projet vidéo, photo, ou c'était juste une découverte de cette région du monde ? Alors non, je rêvais de partir dans cette région himalayenne depuis longtemps. Et il y a 12 ans, j'ai choisi de faire des études d'ethnologie pour explorer cette région profondément. J'avais envie de m'immerger complètement et de comprendre la société, d'apprendre la langue. Je ne voulais pas faire un voyage uniquement touristique. Je voulais vraiment que ce soit quelque chose de plus ancré, de plus profond. Et donc j'ai choisi l'ethnologie pour découvrir l'Himalaya. Tu avais des contacts à cette époque-là, où tu savais où aller dans l'Himalaya, où tu y allais vraiment avec un sac à dos sans vraiment savoir comment ça allait se passer? Tu as préparé ce premier voyage, cette première rencontre avec les peuples tibétains? Alors j'avais déjà vécu un an en Inde pour réaliser mon mémoire de maîtrise, donc j'avais déjà voyagé dans différentes parties de l'Inde et notamment en Himalaya indien. Et en fait c'est Pascal Dollfus qui est chercheur au CNRS, spécialiste de la région, qui m'a conseillé de partir là-bas parce qu'il y avait peu d'études qui étaient faites à ce moment-là sur le Ladakh. Et donc c'est sur ses conseils que je suis partie il y a 12 ans et que je suis tombée amoureuse de la région et que depuis je suis principalement retournée là-bas. Tous les ans en fait je passe entre 3 et 6 mois dans cette région-là. En 12 ans, le Ladakh change beaucoup ? Et il change très très vite, ça dépend. Alors bien sûr, c'est la ville de Leh qui est la capitale, change extrêmement vite puisqu'elle se développe au niveau touristique et notamment depuis quelques années avec l'arrivée d'un tourisme indien de masse. Il y a de plus en plus d'Indiens de classes très aisées qui viennent passer une semaine ou deux semaines dans le grand air himalayen pendant la saison de la mousson. Et donc ça transforme beaucoup la capitale, mais les villages qui dans lesquels on construit une route se transforment aussi très rapidement. Et c'est vrai que c'est une région stratégique pour l'Inde, puisque c'est à la frontière du Pakistan et de la Chine, et que c'est deux zones de grande tension pour l'Inde. Donc l'Inde essaie de mettre une présence militaire très forte, et c'est pourquoi elle construit des routes, elle installe des campements militaires. Il y a aussi une présence administrative avec des hôpitaux, des écoles. Donc on va dire que la présence indienne modifie la région en profondeur. Alors, donc, moi, je faisais mes recherches pour étudier la culture Ladakhi et la culture Zanskari. Et quand on aborde une culture, on n'est pas devant un mur avec une porte. Et en fait, les clés d'accès à la culture sont les gens qu'on rencontre et les relations qu'on tisse avec eux. Et c'est cette partie-là qui, en fait, m'a émerveillée. Et c'est là-dedans que j'ai trouvé la plus grande richesse. Ça m'a complètement fascinée de rencontrer tous ces gens et de nouer des relations parfois extrêmement proches avec eux, parfois très intimes. Et mieux je savais parler leur langue et plus je me sentais proche d'eux. Et ça, je me disais, c'est tellement fort, et c'est, moi c'était vraiment ce qui m'a nourrie pendant toutes ces années, et ça je pouvais pas en parler dans ma thèse. En fait, l'écriture de la thèse de doctorat était un peu aride, et toute l'épaisseur des relations qui moi m'importait beaucoup était transparente dans cette écriture là et je me suis dit, avec une caméra je vais pouvoir montrer ça, je vais pouvoir montrer le lien, la relation, l'amitié qui se noue, et donc l'intimité progressive qu'on peut avoir avec cette population. Et je pense que c'est ça qui m'a poussée à prendre la caméra et à abandonner progressivement l'écriture de ma thèse, qui reste inaboutie. Alors tu dis te rapprocher d'eux, la réflexion que j'ai eue hier soir en regardant ton documentaire, c'est waouh, quel mode de vie radicalement différent du nôtre. Comment est-ce qu'on peut se sentir proche de quelque chose de tellement différent, hors du temps, où le rapport au temps est très différent? Mais justement, en fait, alors déjà quand on commence à parler la langue, déjà on peut communiquer. Il y a une phrase qu'un homme m'avait dit et que j'avais gardée dans mon premier film, qui disait que quand les hommes parlent la même langue, ils se rendent compte qu'ils sont identiques, qu'ils ont fait de la même matière. Donc je pense que déjà cet accès privilégié que j'ai grâce à ma connaissance du Ladakhi est la clé d'entrée. Et ensuite, je voulais aussi casser une image un peu exotique qu'on a de l'Himalaya bouddhiste, avec des moines dans l'évitation, dans des paysages extraordinaires, et qui nous montre en fait qui simplifie la réalité et qui simplifie les individus qu'on présente. Et je voulais montrer que finalement ils sont extrêmement proches dans leur complexité aussi, et on a les mêmes envies, les mêmes peurs, il y a les mêmes désirs qui les guident, malgré effectivement des contextes de vie et des environnements complètement différent. C'est sûr qu'à 3600 mètres ou 3800 mètres, je me souviens plus de l'altitude du monastère, dans un lieu où on se chauffe avec des petites brindilles qu'il faut aller chercher à une journée de marche, et dans cette vie qui est dédiée à la prière et à la méditation. Bien sûr, tout nous opposerait, et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de similitudes, et moi c'est vraiment ça qui m'intéresse dans mon travail, c'est de refuser la carte postale exotique avec les jolis costumes et l'étrangeté, et au contraire j'essaie vraiment à chaque fois de m'intéresser à ce qui fait qu'on est pareil. Comment toi tu t'es adapté à ce climat, à ces différences, à cette nourriture différente aussi? Tu parlais de sampa, manger de l'orge pendant 6 mois de l'année. Comment est-ce que le corps occidental s'adapte à des situations radicalement différentes des nôtres? Mais ça, en fait, c'est vraiment extrêmement simple. Je sais pas, depuis... Maintenant, ça fait 12 ans que je retourne là-bas et ça n'a jamais posé problème, en fait. C'est un effort d'apprendre à parler la langue, d'apprendre aussi leur manière. Il y a tout un tas de codes corporels aussi, de politesse. C'est une société qui est très codée aussi, et avant de déceler toutes les façons de faire, ça prend beaucoup de temps, et puis ça demande des efforts aussi d'adaptation. Mais j'en tire une telle joie et un tel bonheur que finalement de devoir dormir dans une chambre où il fait moins 15 degrés, ça m'a jamais posé de problème particulier, en fait. Et puis eux le font, et c'est pas du tout un exploit, Et c'est très simple. Et puis, en plus, les gens sont d'une telle bienveillance et d'un tel accueil. Ils sont extrêmement chaleureux. Et moi, je sais qu'à chaque fois que je vais chez eux, qu'ils vont m'aider et que je n'aurai pas de problème parce qu'ils seront toujours là et qu'ils vont surveiller que tout aille bien aussi pour moi. Donc, je me sens vraiment épaulée et extrêmement rassurée. Il n'y a rien de très difficile. 12 ans, tu disais que tu vas là-bas. Si tu mettais bout à bout le temps passé au Ladakh, ça serait combien de mois ou d'années sur ces 12 ans ? Je pense que ça serait à peu près 4 ans. 4 ans passés là-bas, dans différents villages, dans différentes vallées et à différentes époques de l'année. Et tu te sens mieux là-bas ou mieux ici ? J'aime l'alternance, je crois, parce que j'ai réfléchi au tout début, quand je suis partie là-bas, le premier séjour de 6 mois que j'ai fait là-bas, ça a été vraiment une sorte de révélation, et je me suis dit, mais en fait, je suis tellement bien ici, et j'aime ces gens, et j'aime ce paysage, et cette façon de vivre, cet attachement à la terre. Il y avait des valeurs qui me semblaient tellement importante et que je ne retrouve pas en France. Et j'ai vraiment pensé à ce moment-là, est-ce que finalement, ça ne serait pas bien de m'installer ici ? Et en fait, je me sens très française aussi. J'ai ma famille qui est ici, mes amis. Et j'aime aussi m'asseoir à la terrasse d'un café avec Libération et avoir des copains qui sont là et pouvoir parler du dernier film qu'on a vu. Et ça me manquerait trop de ne pas avoir aussi toute cette vie culturelle aussi, et cette indépendance aussi, parce que si j'habitais là-bas, ça voudrait dire que je me marierais là-bas et que je ferais partie d'une famille et que je serais tenue à certains devoirs. Et en fait, j'aime trop ma liberté, j'aime pouvoir partir, revenir. Mais j'ai besoin, en tous les cas, d'aller là-bas. Quand je ne suis pas là-bas, ils me manquent. Je me demande comment ils vont. J'ai beaucoup d'amis aussi qui sont des vieilles dames ou des vieux messieurs. Et je n'ai pas de nouvelles en étant en France. Donc, j'ai toujours hâte d'aller les retrouver pour savoir comment ils vont et puis pour être avec eux, tout simplement. Ouais, c'était la question que je me posais. Donc, est-ce que tu arrives à garder un lien à distance ? Apparemment, non. C'est, tu arrives là-bas et ils ne savent pas. Tu viens, tu débarques après quelques mois d'absence et ah, t'es là. Oui, j'ai vécu il y a un an et demi un moment très émouvant parce qu'il y a une vieille dame que j'aime beaucoup, beaucoup, qui vit dans un village extrêmement reculé, un village de 3 maisons qui doit être le plus reculé de tout le Zanskar. Et ça faisait déjà plus d'un an que je n'étais pas allée la voir, peut-être un an et demi. Et quand je suis arrivée, elle m'a dit « ça fait un an et demi que je regarde à ma fenêtre si tu viens me revoir ou pas, ça fait un an et demi que je t'attends ». Et elle me disait ça avec presque des sanglots dans la voix, elle était très contente. Et moi je me disais « c'est dur quand même parce qu'elle ne pourra jamais venir me voir, c'est toujours moi qui… on est dans une inégalité de relations, c'est moi qui vais les voir et eux ne pourront jamais venir me voir parce que déjà c'est très difficile d'obtenir un visa, parce qu'ensuite ils ont beaucoup de travail là-bas, c'est difficile de laisser les enfants, les champs, les bêtes pendant 15 jours ou un mois ». Et donc moi je me prépare pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois à mon départ là-bas, et je sais qui je vais retrouver, quand je vais les retrouver. Et pour eux c'est à chaque fois une surprise. Et effectivement, cette vieille dame m'avait attendu un an et demi chaque jour. La projection qu'on a vue hier soir, tu t'es donc immergé dans un monastère sur les falaises himalayennes. Donc c'était un milieu d'hommes. Est-ce que ça a été un problème pour toi d'arriver là-bas, d'être acceptée en tant que femme et de pouvoir rester avec eux et une caméra ? Alors effectivement, les femmes zanskari n'ont pas le droit de séjourner à l'intérieur du monastère. Et moi, je pense que c'est mon statut d'étrangère qui fait que j'étais hors catégorie. En fait, j'étais pas homme ou femme, j'étais l'étrangère qui porte des pantalons, qui voyage toute seule. Donc un peu un ovni qui est hors catégorie. C'est pour ça qu'ils m'ont acceptée. Et ils m'avaient prêté une petite cellule quand même à l'écart des cellules des moines. Et je faisais attention à respecter aussi leur intimité, à ce qui à pas montrer la mienne. Enfin, je me rendais bien compte qu'il fallait que j'étais quand même une femme et qu'il fallait mettre des limites et voilà. Mais ensuite, ça a été plus compliqué de faire accepter la caméra, puisque en fait, quand je suis arrivée là-bas, ouais, je connaissais aucun moine. J'étais jamais allée dans ce monastère. Je l'avais vu de loin et je l'avais trouvé très beau. Je m'étais dit, ça doit être extraordinaire de passer l'hiver là-bas. Et j'étais partie. Et quand je suis arrivée avec ma caméra et que je leur ai demandé est-ce que je peux filmer, ils m'ont dit, hors de question, on n'a jamais accepté qu'un film soit tourné ici et tu ne pourras pas faire d'image ici. Et donc, je suis quand même restée chez eux. En plus, je suis tombée malade le lendemain. Donc, je ne pouvais pas vraiment partir. Et puis, au bout d'une semaine où on a appris à se connaître et où on a beaucoup parlé, ils m'ont dit, si tu veux filmer des scènes de prière, tu peux. Et puis après, j'avais le droit de filmer dans la cuisine. Et puis, petit à petit, j'ai eu le droit de tout filmer. En fait, ça a été une relation de confiance qui s'est construite tout doucement. C'est passé extrêmement vite, ces 3 mois avec eux. Il n'y a pas eu une seule journée où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je m'ennuie, j'ai rien à faire, eux, ils sont en train de prier. Et puis, les temps de prière, c'est extraordinaire de s'asseoir avec eux et d'être entouré par toutes ces voix. Et d'avoir... les prières, en plus, souvent, se déroulent sur la grande terrasse, le toit terrasse du monastère. Donc, on est face à des montagnes sublimes, en contrebas à la rivière. Le soleil qui est là, les choucas qui volent. Et toutes ces prières qui durent 1 heure, 2 heures, et qui sont extrêmement mélodieuses. Donc, on vit aussi, on est vraiment dans le présent, immergé complètement. Moi, j'adore ces expériences-là, où on sait, en plus, qu'on ne doit pas aller ailleurs, on ne se pose pas la question est-ce que je pars demain ou pas, on est là pour un temps précis mais qui est assez long, et puis on n'a pas internet et on n'a pas le téléphone portable et on n'a aucune distraction, on est vraiment juste dans l'essence du temps présent et on savoure. Est-ce que tu peux me parler de ce rapport au temps qu'eux ont là-bas dans l'Himalaya, sur les montagnes, et le rapport au temps qu'on a nous, chez nous, en Occident? Alors, dans le film, il y a un moine, justement, qui dit « Vous, en Occident, vous êtes toujours, vous n'avez pas le temps et vous êtes toujours frustré de tout ce que vous ne pouvez pas faire. » Et nous, on se satisfait de ce qu'on fait. Si on n'a pas fini aujourd'hui, c'est pas grave, on pourra le faire demain. Et on n'a pas cette angoisse, effectivement, du temps qui passe. Alors... c'est quelque chose qu'on ressent vraiment de façon physique. Je ne saurais pas vraiment comment l'expliquer. Eux déjà croient en la réincarnation, donc ils ont plusieurs vies. Moi, je ne crois pas à la réincarnation, donc je me dis j'ai qu'une vie, il faut que j'en profite, il faut que je fasse beaucoup, beaucoup de choses. Et j'essaie toujours, je suis souvent ici dans une frénésie d'action et de rencontres. Et là-bas, il y a vraiment, surtout dans les monastères, il n'y a pas cette angoisse du temps qui passe. On fait les choses, mais j'imagine que c'est vraiment aussi des siècles de sagesse bouddhiste qui coulent dans leurs veines. Et nous, ça nous prendrait plusieurs vies à arriver à apprendre cette sagesse-là, parce qu'on a nos réflexes aussi d'occidentaux. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est dans l'environnement et qui est aussi dans le cœur de ces hommes, de savourer le présent. Comment est-ce que toi, Marianne, tu te positionnes ou qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette foi bouddhiste que tu as vécue au quotidien ? Donc quand je suis partie à 12 ans, le bouddhisme m'intéressait beaucoup, mais je le connaissais très mal. Et dans un premier temps, je me suis intéressée au bouddhisme pour mieux les comprendre et pour comprendre quelles étaient leurs croyances et quelle était leur philosophie. Et de vivre avec eux cette expérience bouddhiste, parce que là-bas, c'est pas, le bouddhisme n'est pas une affaire de vie privée, c'est une affaire de société et ça s'incarne au quotidien et c'est vraiment quelque chose qu'ils ressentent et qu'ils vivent. Et je me souviens de, c'est une histoire que je raconte souvent, mais qui m'avait vraiment marquée. J'avais vu, c'était l'hiver, il faisait extrêmement froid et j'étais devant le pas d'une porte d'une maison où deux femmes étaient là et on discutait toutes les trois. Et une petite mouche arrive et puis elle tombe sur le sol et visiblement elle a été frigorifiée en fait. Et donc la femme a ramassé tout doucement cette petite mouche et l'a mise dans un petit brin de laine de mouton et lui a fait un petit nid dans le trou d'un mur. Et la mouche a décollé et elle est tombée par terre. La femme l'a remis dans le petit nid, dans le mur et avec un amour infini. Et c'est vraiment cet exemple de la compassion et du respect, de l'amour pour tous les êtres vivants qui n'est pas juste une idée, mais qui est vraiment vécu de cette façon-là. Et moi, donc, je me suis intéressée de plus en plus au bouddhisme. Et aujourd'hui, c'est vraiment une philosophie qui m'inspire et j'essaie de suivre ce chemin. J'essaie de suivre ce chemin bouddhiste. Parfois, j'aime bien partir faire des retraites dans des monastères bouddhistes en France aussi. Et puis là-bas, quand je suis là-bas, je suis vraiment immergée de bouddhisme. Mais sans croire à la réincarnation. Et ça, j'ai du mal à croire à ma propre réincarnation. Et j'ai aucun souvenir de mes vies antérieures. Et je me demande bien comment je vais pouvoir me réincarner après. Et c'est un concept qui est difficile. Et c'est effectivement, donc, je me dis pas bouddhiste. Mais c'est, j'essaie d'aller sur le chemin. Tu disais aussi, tu parles du bouddhisme en tant que philosophie. Oui. La philosophie du bouddhisme. Donc pour toi, juste, qu'est-ce que le bouddhisme ? Parce que religion, philosophie. Alors c'est une religion là-bas dans le sens où ça organise aussi toute la société, qu'il y a un clergé, qu'il y a des monastères, il y a toute une hiérarchie aussi ecclésiastique, on peut dire. Donc c'est vraiment une organisation religieuse là-bas et ils ont des rituels, mais c'est une religion sans Dieu. Et puisque Dieu est à l'intérieur de soi, c'est l'état d'éveil, c'est l'état de Bouddha, et il s'agit d'éveiller le Bouddha qui est en nous. Donc je considère que le bouddhisme dont on s'inspire en France, c'est un bouddhisme philosophique aussi. Là-bas, il y a les deux, bien sûr. Il y a d'un côté la philosophie et de l'autre côté tout le système religieux, ecclésiastique, monacal. Moi, ce qui m'intéresse, de façon personnelle, c'est la philosophie bouddhiste. Il y a vraiment un courant aussi du bouddhisme qui est plutôt incarné par l'école des bonnets rouges et qui est vraiment un bouddhisme de la pratique et de la méditation. Et j'ai pu assister, je suis allée dans ces centres de retraite où les moines partent 3 ans, 3 mois et 3 jours et se livrent à des exercices de méditation, de circulation de la chaleur, et ils font des choses complètement ahurissantes qui sont inhumaines, on peut dire. Par exemple, ils sortent l'hiver en pleine nuit par moins 20 degrés, vêtus d'une simple étoffe de tissu qu'ils ont trempée dans de l'eau froide au préalable et dont ils s'entourent. Et ils s'assoient à l'extérieur dans la glace et ils passent toute la nuit à méditer et à faire circuler la chaleur en eux. Et il paraît que le lendemain, on les voit, ils sont du coup un petit peu enterrés parce qu'ils ont fait fondre toute la glace qui était sous eux. Et ils sont en pleine santé et en pleine vie et ils ne sont pas du tout frigorifiés. Et moi, je mourrais à la première heure. Donc, il y a vraiment une pratique qui ensuite a été, qui est devenue vraiment comme un mythe par toute une littérature, et, mais qui a des bases très réelles. Et les exercices de lévitation dans ces centres de retraite, j'ai pas pu rentrer dans les cellules des méditants, bien entendu, mais de l'extérieur, on entendait parfois des grands boum, boum. Et j'ai demandé qu'est-ce que c'est. Et en fait, ce sont les moines qui sont assis en tailleur et qui doivent faire un saut, j'imagine, très très haut, et qui retombent ensuite sur le parquet. Et vu le bruit, je pense qu'ils font... c'est une sorte de lévitation. Ils ne restent pas des heures en l'air, mais en tous les cas, ils doivent faire des sauts qui sont assez, assez hauts. Et donc, c'est, tout ça est vrai, et c'est... On peut en tirer des leçons. Et d'ailleurs, il y a des scientifiques qui s'intéressent en ce moment au bienfait de la méditation sur le cerveau. Et je pense que y a vraiment un savoir qui se transmet comme ça depuis des siècles dans le bouddhisme, qui est d'une richesse infinie. Donc c'est quelque chose de très positif ce que tu dis. Finalement, ça laisse présager que l'esprit a une force très importante qui sommeille en nous, qu'on pourrait apprendre à développer et peut-être reconsidérer notre vision du quotidien et peut-être mieux vivre la réalité du quotidien. Oui, l'esprit et le cœur. J'étais récemment à Dharamsala où j'ai pu suivre quelques enseignements du Dalai Lama et il répète toujours... Il dit dans nos sociétés modernes et particulièrement en Occident, on passe toute notre énergie à développer l'intellect. Et l'intellect n'est rien sans le cœur. Et il s'agit de développer le cœur. C'est de ça dont on a besoin aujourd'hui dans nos sociétés et, pour avoir la paix, de l'harmonie, de façon individuelle, mais aussi de façon collective. Et donc, je pense qu'il y a tout un travail qui reste à faire et dont on peut s'inspirer bien évidemment de ces populations-là, d'amour. Même si malheureusement quand on parle de cœur, d'amour, on a l'impression que c'est cucu la praline, alors que c'est extrêmement puissant et c'est très très simple et extrêmement fort quand on le vit. Et je pense que ça a vraiment des effets aussi à l'intérieur d'une communauté. Et les communautés entre elles aussi peuvent être... leurs relations peuvent être transformées par ces exercices-là. Et cet amour dont tu parles, cette compassion, on la ressent vraiment quand on se retrouve dans ces régions du monde ? Oui, oui, oui. Les relations n'ont vraiment, on peut dire, rien à voir. Mais parce que ce sont des sociétés traditionnelles aussi, qui vivent dans des milieux extrêmes, donc qui doivent dépendre, les habitants dépendent les uns des autres uniquement pour pouvoir survivre. Et donc, il y a cette entraide qu'on ressent qui est très, très forte. Quand on fait partie d'une communauté, c'est ce que je disais tout à l'heure, on sent qu'il y a vraiment une très grande bienveillance et puis on se connaît les uns les autres de façon profonde. Et moi, c'est toujours assez douloureux quand je reviens ensuite à Paris et que je me retrouve dans le RER pour aller de Charles de Gaulle au centre de Paris et que tout d'un coup, je suis un individu qui peut être, qui se trouve menacé par les autres individus autour de lui. Et tout d'un coup, le sens de la communauté est complètement abstrait. Parce que chez nous aussi, on est une société d'entraide. Et chez nous aussi, on ne pourrait pas vivre les uns séparés des autres. Mais c'est une entraide dont on n'a pas conscience et qui est finalement très abstraite. Le fait, tout est entraide aussi chez nous. On dépend vraiment les uns des autres. visité d'autres endroits dans le monde, non? Tu as eu l'occasion, pendant ces 12 années, d'aller découvrir d'autres croyances, d'autres peuples, d'autres civilisations? Oui, j'ai fait d'autres voyages en Amérique du Sud, je crois que dans une vie, dans une vie d'ethnologue, on a un terrain privilégié, un pays privilégié, et l'énergie que j'ai dépensée à apprendre cette langue, je ne sais pas si je l'aurais pour m'immerger à nouveau dans un autre pays. Et vraiment, j'ai un tel attachement pour cette région et pour ces gens que, en fait, dès que j'ai un petit moment de libre, dès qu'il y a un mois qui s'ouvre à moi, j'ai envie de partir là-bas et j'ai envie de les retrouver. Donc, à chaque fois, je me dis, c'est peut-être le dernier voyage. Allez, il faudrait quand même aller voir d'autres pays, il faudrait découvrir d'autres parties du monde. Et finalement, je suis toujours attirée par cette région de l'Himalaya. Merci. Merci beaucoup. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Cette émission est proposée et montée par l'association Regarde ailleurs. Pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site internet www.regardeailleurs.org.